Chapitre 11 de « Les dents du tigre » par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 11. Au secours. Lorsque par la suite Arsène Lupin me raconta cet épisode de la tragique aventure, il me dit à ce propos, et non sans fatuité, ce qui m'étonnait alors, et ce qui m'étonne encore aujourd'hui, comme une des victoires les plus belles dont j'ai le droit de m'enorgueillir, c'est que j'ai pu admettre tout à coup, et ainsi qu'un problème irrévocablement résolu, l'innocence de Souverain et de Marianne. Cela, je vous le jure, est de premier ordre, et dépasse, en valeur psychologique, aussi bien qu'en mérite policier, les plus fameuses déductions des plus fameux détectives. Car enfin, tout bien pesé, il ne s'était pas produit l'ombre d'un fait nouveau qui m'a permis de réviser le procès. Les charges accumulées contre les deux captifs étaient les mêmes, et si graves, qu'aucun juge d'instruction n'eût hésité une seule seconde à signer son ordonnance, et pas un jury à répondre oui sur toutes les questions. Et cependant, pourquoi ce revirement subit qui eut lieu en moi? Pourquoi ai-je marché contre l'évidence? Pourquoi ai-je cru à une vérité incroyable? Pourquoi ai-je admis l'inadmissible? Pourquoi? Ah, sans doute, c'est que la vérité a un accent qui sonne aux oreilles d'une façon particulière. D'un côté, toutes les preuves, tous les faits, toutes les réalités, toutes les certitudes. De l'autre, un récit présenté par un des trois coupables, donc, a priori, absurde et mensonger, depuis la première syllabe jusqu'à la dernière. Mais un récit présenté d'une voix loyale, un récit clair, sobre, d'une trame serrée, se déroulant d'un bout à l'autre de l'aventure, sans complications ni invraisemblances. Un récit qui n'apportait aucune solution positive, mais qui, par sa probité même, obligeait tout esprit impartial à réviser la solution acquise. J'ai cru le récit. Les explications de Lupin, telles qu'il me les donnait, n'étaient pas complètes. « Et Florence Levasseur ?» lui dis-je. « Florence Levasseur ? » ?»« Oui, vous ne concluez pas à son égard. Quelle opinion avez-vous eue d'elle ?» Tout l'accusait, et non seulement à vos yeux, puisque, logiquement, elle avait participé à toutes les tentatives d'assassinat dirigées contre vous, mais aussi aux yeux de la justice. Ne savait-on pas qu'elle allait rendre à Gaston Souverain, boulevard Richard Wallace, des visites clandestines? N'avait-on pas trouvé sa photographie dans le carnet de l'inspecteur Véraud? Et puis tout enfin, vos accusations, vos certitudes. Est-ce que tout cela fut modifié par le récit de Souverain? Pour vous, Florence fut-elle innocente ou coupable? Il hésita. Fut sur le point de répondre directement, et franchement à ma question, mais ne put s'y décider. Et prononça. Je voulais avoir confiance. Pour agir, il fallait que j'eusse pleine et entière confiance, quels que fussent les doutes qui pouvaient encore m'assaillir, et quels que fussent les ténèbres qui pesaient encore sur telle ou telle partie de l'aventure. J'ai donc cru, et croyant, j'ai agi selon ma foi. Agir, pour Don Luis Perena, en ces heures d'immobilité forcée, cela consista uniquement à se répéter sans cesse la relation que Gaston Souverain avait faite des événements. Il tâchait de la reconstituer dans tous ses détails, d'en retrouver les moindres phases et les termes en apparence les plus insignifiants. Et ces phrases, il les examinait une à une, et ces termes, il les scrutait un à un, afin d'en extraire la part de vérité qu'il contenait. Car la vérité était là, Souverain le lui avait dit, et Don Luis n'en doutait pas. Toute l'histoire sinistre, tout ce qui constituait l'affaire de leur détachement à Newton, et le drame du boulevard Suchet, tout ce qui pouvait mettre en lumière le complot ourdi contre Marianne Fauville, tout ce qui pouvait expliquer la perte de Souverain et de Florence, cela était dans le récit de Souverain. Il suffisait de le comprendre, et la vérité surgirait, comme la morale qui se tire de quelques symboles obscurs. Pas une fois, Don Luis ne dévia de sa méthode. Si telle objection s'insinuait dans son esprit, il y répondait aussitôt. Soit, il se peut que je me trompe, que le récit de Souverain ne m'apporte aucun élément capable de me guider. Il se peut que la vérité soit au dehors, mais... suis-je en mesure de l'atteindre autrement, cette vérité? En tout pour tout, comme instrument de recherche, et sans tenir compte outre mesure de certaines lueurs que l'apparition régulière des lettres mystérieuses m'a données sur l'affaire, en tout et pour tout, j'ai le récit de Gaston Souverain. Ne dois-je pas m'en servir? Et de nouveau, comme un chemin que l'on parcourt sur les traces d'une autre personne, il recommençait à vivre l'aventure vécue par Souverain. Il la comparait à celle qu'il avait imaginée jusqu'alors. Toutes deux s'opposaient l'une à l'autre. Mais, du choc même de leur contraste, ne pouvait-on faire jaillir une étincelle? Voilà ce qu'il a dit, pensait-il, et voilà ce que je croyais. Que signifie cette différence? Voilà ce qui fut et voilà ce qui paraît être. Pourquoi le coupable a-t-il voulu que ce qui fut parût précisément sous cet aspect? pour éloigner de lui tous les soupçons. Mais était-il nécessaire, en ce cas, qu'ils atteignissent justement ce qu'ils ont atteint? Et les questions se pressaient en lui. Il répondait quelquefois au hasard, citant des noms et prononçant des mots à la suite les uns des autres, comme si le nom cité eût pu être précisément celui du coupable, et les mots prononcés, ceux qui contenaient l'invisible réalité. Puis aussitôt, il reprenait le récit, comme les écoliers font avec leurs devoirs, analyse logique et analyse grammaticale, où chaque expression est passée au crible, chaque période disloquée, chaque phrase réduite à sa valeur essentielle. Des heures et des heures s'écoulèrent. Et, tout à coup, au milieu de la nuit, il eut un soubresaut. Il tira sa montre. À la clarté de sa lanterne électrique, il constata qu'elle marquait 11h43. « C'est donc à 11h43 minutes du soir, dit-il à haute voix, que j'ai pénétré jusqu'au fond des ténèbres. » Il cherchait à dominer son émotion, mais elle était immense, et il se mit à verser des larmes, tellement ses nerfs étaient ébranlés par l'épreuve. Il venait en effet d'entrevoir brusquement, comme on devine un paysage nocturne à la lueur d'un éclair, la formidable vérité. Il n'est pas de sensation plus violente que ces sortes d'illuminations qui éclatent soudain au milieu de l'ombre où l'on tâtonne et où l'on se débat. Épuisé déjà par l'effort physique et par le manque de nourriture dont il commençait à souffrir, il subit cette secousse si profondément que sans vouloir réfléchir un instant de plus, il réussit à s'endormir. Ou plutôt, à s'enfoncer dans le sommeil, comme on s'enfonce dans l'eau d'un bain réparateur. Quand il se réveilla au petit matin, dispo malgré l'incommodité de sa couche, il eut un frisson en songeant à l'hypothèse qu'il avait acceptée, et son instinct fut d'abord de la mettre en doute. Il n'en eut ainsi dire pas le temps. Toute l'épreuve accourait d'elle-même, au-devant de sa pensée, et transforma immédiatement l'hypothèse en une de ces certitudes qu'il serait fou de contrôler. C'était cela, et ce n'était pas autre chose. Comme il l'avait pressenti, la vérité se trouvait inscrite dans le récit de Sauvran. Et il ne s'était pas trompé non plus, en disant à Mazerou que la façon dont surgissaient les lettres mystérieuses l'avait mis sur le chemin de la vérité. Et cette vérité était effroyable. Il éprouvait à l'évoquer la même épouvante qui avait affolé l'inspecteur Véro, alors que, déjà torturé par le poison, il balbutiait. « Ah, j'ai peur, tout cela est combiné d'une façon si diabolique !» Si diabolique en effet, et Don Luis demeurait confondu devant la révélation d'un forfait dont il ne semblait pas que la conception eût pu germer dans un cerveau d'homme. 2 heures encore, il consacra tout l'effort de sa pensée à examiner la situation sous toutes ses faces. Quant au dénouement, il ne s'en inquiétait pas beaucoup puisque, maître du secret terrible maintenant, il n'avait plus qu'à s'évader et à se rendre ce soir-là à la réunion du boulevard Suchet, où il ferait devant tous la démonstration du crime. Mais lorsque voulant essayer ses chances d'évasion, il remonta le souterrain et se hissa au sommet de l'échelle supérieure, c'est-à-dire au niveau de son boudoir, il entendit à travers la trappe les voix d'hommes qui se trouvaient dans cette pièce. « Bigre !» se dit-il, « l'affaire se complique. Afin d'échapper aux sbires de la police, il faut que je sorte de ma prison. Et voilà tout au moins qu'une de ces deux issues est condamnée. Reste l'autre. » Il redescendit vers l'appartement de Florence et fit jouer le mécanisme qui consistait en un contrepoids. Le panneau du placard glissa. Poussé par la faim, espérant trouver quelques provisions qui lui permettraient de soutenir un siège, sans être réduit par la famine, il était sur le point de contourner l'alcôve derrière les rideaux, lorsqu'un bruit de pas l'arrêta net. Quelqu'un entrait dans l'appartement. « Eh bien, Mazerou, vous avez passé la nuit ici, rien de nouveau ?» À la voix, Don Luis reconnut le préfet de police, et la question posée lui apprit, d'abord que l'on avait sorti Mazerou du cabinet noir où il était ligoté, et ensuite que le brigadier se trouvait dans la pièce voisine. Par bonheur, le mécanisme du plafond avait fonctionné sans le moindre grincement, et Don Luis put surprendre la conversation des deux hommes. « Rien de nouveau, monsieur le préfet !» répondit Mazerou. « C'est curieux, il faut pourtant que ce damné personnage soit quelque part. Ou alors, c'est qu'il a filé par les toits. « Impossible, monsieur le préfet !» fit une troisième voix que Don Luis reconnut comme étant celle du sous-chef Weber. « Impossible !» Nous avons constaté hier qu'à moins d'avoir des ailes. Donc, votre avis, Weber ? Mon avis, monsieur le préfet, c'est qu'il se cache dans l'hôtel. L'hôtel est vieux. Tout probablement, il existe quelques retraites. Évidemment, évidemment, fit monsieur Desmalions. Que Don Luis, par un interstice de rideau, voyait passer et repasser devant la baie de l'alcôve. Évidemment, vous avez raison, et nous le prendrons au gîte. Seulement, est-ce bien nécessaire ? Monsieur le préfet, eh oui, vous avez mon opinion à ce sujet. et l'opinion du président du conseil. Exhumer Lupin, c'est une gaffe, et ça nous retombera sur le dos. Après tout, quoi, il est devenu un honnête homme, il nous est utile, et il ne fait rien de mal. Rien de mal, vous trouvez, monsieur le préfet ? Prononça Weber d'un ton pincé. Monsieur Desmalions éclata de rire. Ah oui, le coup d'hier, le coup du téléphone. Avouez que c'est drôle. Le président du conseil s'en tenait les côtes quand je lui ai raconté. Ma foi, je ne vois pas qu'il y ait de quoi rire. Non, mais tout de même, le gredin, il n'est jamais pris de court. Drôle ou non, le truc est inouï d'audace. Démolir le fil du téléphone sous vos yeux, et puis vous bloquer derrière un rideau de fer. À propos, Mazerou, il faudra dès ce matin faire réparer ce téléphone pour que vous restiez ici en communication avec la préfecture. Vous avez commencé vos perquisitions dans ces deux pièces ? Selon vos ordres, monsieur le préfet. Depuis une heure, le sous-chef et moi nous cherchons. Oui, fit monsieur Desmalions. Cette Florence Levasseur me semble une créature inquiétante. Sa complicité est certaine. Mais quelle relation avait-elle avec Sauvran ? Et quelle relation avec Don Luis Perena ? Cela serait important à savoir. Vous n'avez rien découvert dans ces papiers ? Rien, monsieur le préfet, dit Mazerou. Ce sont des factures, des lettres des fournisseurs. Et vous, Weber ? Moi, monsieur le préfet, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il dit ces mots d'un ton de triomphe, et comme monsieur Desmalions l'interrogeait, il reprit. C'est un volume de Shakespeare, monsieur le préfet, le tome 8. Vous remarquez que, contrairement aux autres volumes, il est vide à l'intérieur, et que la reliure n'est que le cartonnage d'une boîte secrète, servant à dissimuler des papiers. En effet, et ces papiers, les voici, des feuilles blanches, sauf trois. L'une sur laquelle est inscrite la liste des dates où devaient surgir les lettres mystérieuses. Oh, oh, fit monsieur Desmalions. La charge est écrasante contre Florence Levasseur. En outre, nous sommes renseignés. C'est par là que Don Luis a eu cette liste. Perena écoutait avec surprise. Il avait totalement oublié ce détail, et Gaston Sauvran, dans son récit, n'y avait pas fait la moindre allusion. C'était fort grave pourtant, et fort étrange. De qui Florence tenait-elle cette liste de dates ? Et les deux autres feuilles ? Demanda monsieur Desmalions. Don Luis redoubla d'attention. Ces deux autres feuilles lui avaient échappé, le jour de son entretien avec Florence dans cette même pièce. « Voici l'une des deux, » répondit Weber. Monsieur Desmalions prit la feuille et lut. « Ne pas oublier que l'explosion est indépendante des lettres, et qu'elle aura lieu à 3 heures du matin. »« Ah oui, » fit-il en haussant les épaules, « la fameuse explosion que Don Luis a prédite, et qui doit accompagner la 5e lettre, comme l'annonce cette liste de dates. »« Bah, nous avons le temps, puisqu'il n'y a eu que 3 lettres, et que ce soir il s'agit de la 4e. Et puis, faire sauter l'hôtel du boulevard Suchet, pigre ! L'entreprise ne serait pas commode, c'est tout ?»« Monsieur le préfet, » dit Weber, qui exhiba la dernière feuille, « je vous prie d'examiner cet ensemble de lignes tracées au crayon, et qui forme un grand carré, qui en contient d'autres plus petits, et des rectangles de toutes dimensions. Ne dirait-on pas le plan d'une maison ?»« Oui, en effet. C'est le plan de l'hôtel où nous sommes, » affirma Weber avec une certaine solennité. « Voilà la cour d'honneur, les bâtiments du fond, le pavillon des concierges, et là, le pavillon de Mademoiselle Levasseur. De ce pavillon part, au crayon rouge, une ligne pointillée, qui s'en va en zigzag vers les bâtiments du fond. Le début de cette ligne est marqué par une petite croix, qui désigne la pièce où nous sommes, ou plus exactement l'alcôve. On a dessiné ici comme l'emplacement d'une cheminée, ou plutôt d'un placard creusé derrière le lit, et qui serait dissimulé par les rideaux. « Mais alors, Weber, » murmura M. Desmalions, « ce seraient les tracés d'un passage conduisant de ce pavillon au bâtiment du fond ? Tenez, à l'autre bout de la ligne, il y a également une petite croix au crayon rouge. »« Oui, monsieur le préfet, il y a une autre croix. Quel emplacement marque-t-elle ? Nous le déterminerons plus tard d'une façon certaine. Mais dès maintenant, et sur une simple hypothèse, j'ai posté des hommes dans une petite pièce située au second étage, où au lieu hier, le conciliabule suprême de Don Luis, de Florence Levasseur et de Gaston Sauvran. Et dès maintenant, en tout cas, nous connaissons la retraite de Don Luis Perena. » Il y eut un silence. Après quoi le sous-chef reprit, d'une voix de plus en plus solennelle, « Monsieur le préfet, j'ai subi hier de la part de cet homme un affront sanglant. Mes subordonnés en ont été les témoins. Les domestiques ne peuvent l'ignorer. Avant peu, le public en sera instruit. Cet homme a fait évader Florence Levasseur. Il a voulu faire évader Gaston Sauvran. C'est un bandit de la plus dangereuse espèce. Monsieur le préfet, je suis sûr que vous ne me refuserez pas l'autorisation de le forcer dans sa tanière. Sinon, monsieur le préfet, je me verrai contraint de donner ma démission. Avec motif à l'appui, dit le préfet en riant. Décidément, vous ne pouvez pas digérer le coup du rideau de fer. Allez-y donc, aussi bien, tant pis pour Don Louis s'il l'aura voulu. Masrou, dès que le téléphone sera réparé, vous me donnerez des nouvelles à la préfecture. Et ce soir, rendez-vous pour voir Suchet à l'hôtel Fauville. N'oubliez pas qu'il s'agit de la quatrième lettre. Il n'y aura pas de quatrième lettre, monsieur le préfet, déclara Weber. Pourquoi ? Parce que d'ici là, Don Louis sera coffré. Ah, c'est Don Louis aussi qui vous accusait d'être l'auteur ? Don Louis n'en écouta pas davantage. Doucement, il recula vers le placard, saisit le panneau et le rabattit sans bruit. Ainsi donc, sa retraite était connue. « Saperlipopette ! » grogna-t-il. « Elle est raide, celle-là. Me voici dans de beaux draps. » Il avait couru jusqu'à la moitié du souterrain, avec l'intention de gagner l'autre issue. Il s'arrêta. « Pas la peine, puisque cette issue est gardée. »« Alors, quoi, voyons ? Est-ce que je vais être pris au collet ? Voyons, voyons !» D'en bas de l'alcôve, parvenait déjà un bruit de coups. Le bruit des coups que l'on frappait sur le panneau, dont la sonorité spéciale avait probablement attiré l'attention du sous-chef. Et comme Weber, n'étant pas astreint aux mêmes précautions que Don Louis, semblait démolir le panneau sans s'attarder à la recherche du mécanisme, le péril était proche. « Nom d'un chien, de nom d'un chien !» ronchonna Don Louis. « C'est trop bête ! Que faire ? Leur passer sur le corps ? Ah, si j'étais en pleine force !» Mais le manque de nourriture l'épuisait. Ses jambes tremblaient sous lui, et son cerveau commençait à n'avoir plus sa lucidité habituelle. Un redoublement de coups dans l'alcôve le poussa malgré tout vers l'issue d'en haut. Et grimpant à l'échelle, il promena sa lanterne électrique sur les pierres du mur et sur la boiserie de la trappe. Il tenta même de soulever celle-ci par une pesée d'épaule. Mais de nouveau, des bruits de pas résonnèrent au-dessus de lui. Les hommes étaient toujours là. Alors, dévoré de rage, impuissant, il attendit la venue du sous-chef. Un grattement se produisit en bas, dont l'écho se propagea le long du souterrain. Puis il y eut un tumulte de voix. « Ça y est, se dit-il, les menottes, le dépôt, la cellule. Bon Dieu de sort, quelle stupidité ! Et puis, Marianne Fauville qui va mourir. Et puis, Florence !» Avant d'éteindre sa lanterne, il en projeta une dernière fois la lumière autour de lui. À 2 mètres de l'échelle, environ aux 3/4 de la hauteur et un peu en retrait, une pierre, une grosse pierre de taille, manquait dans le mur du côté de l'intérieur de la maison et laissait un trou de dimension assez grande, pour qu'on puisse y blottir. Bien que la cachette ne valût pas grand-chose, il se pouvait cependant qu'il en négligeât d'inspecter ce renfoncement. D'ailleurs, Don Louis n'avait pas le choix. À tout hasard, après avoir éteint, il se pencha vers le rebord du trou, l'atteignit, et réussit à s'y installer en se courbant en deux. Weber, Masrou et leurs hommes arrivaient. Don Louis s'arc-bouta contre le fond de sa cachette, pour échapper le plus possible au rayonnement des lanternes dont il voyait les premières lueurs. Et il advint cette chose stupéfiante que la pierre contre laquelle il s'adossait bascula doucement, comme si elle eût pivoté autour d'un axe, et qu'il tomba à la renverse dans une seconde cavité située en arrière. Vivement, il ramena ses jambes dans cette cavité, et la pierre se referma avec la même lenteur. Non, toutefois, sans qu'un éboulement de cailloux, détaché de la muraille, lui recouvrit à demi les jambes. « Tiens, tiens » ricana-t-il. Est-ce que la Providence se mettrait du côté de la vertu et du bon droit ? Il entendit la voix du Masrou qui disait « Personne ! Et voilà l'extrémité du passage ! À moins qu'il n'ait fui à notre approche ! Tenez, par la trappe qui est en haut de cette échelle !» Et Weber répondit « Étant donné la pente que nous avons montée, il est certain que le niveau de cette trappe se trouve au second étage. Or, la deuxième petite croix du plan marquerait, au second étage, le boudoir contigu à la chambre de Don Louis. C'est bien ce que j'ai supposé. Et c'est pourquoi j'ai placé là 3 de nos hommes. Si on voulait fuir de ce côté, il est pris. Nous n'avons qu'à frapper, dit Masrou. Nos hommes trouveront la trappe et nous ouvriront. Sinon, on la démolira. De nouveaux coups retentirent. Un bon quart d'heure plus tard, la trappe cédait. Et d'autres voix se mêlèrent à celle de Weber et de Masrou. Pendant ce temps, Don Louis examinait son domaine et en constatait l'extrême exiguïté. Tout au plus pouvait-il s'y tenir assis. C'était un couloir, ou plutôt une sorte de boyau d'1,50 m de long, et qui se terminait par un orifice, plus étroit encore, où des briques étaient accumulées. Les parois d'ailleurs étaient formées de briques, dont quelques-unes manquaient, et les moellons de construction qu'elles auraient dû retenir s'éboulaient au moindre choc. Le sol en était jonché. « Bigre ! » pensa Lupin. « Il ne faudrait pas que je m'agitasse par trop, sans quoi je risque d'être enterré vivant. Agréable perspective !» En août, la crainte de faire du bruit l'immobilisait. Il se trouvait en effet près de deux pièces occupées par des agents. Son boudoir d'abord, et ensuite son cabinet de travail. Puis chez son boudoir, il le savait, était situé sur la partie de son cabinet de travail réservée au téléphone. Cette idée lui en suggéra une autre. À bien réfléchir, et en se rappelant qu'il s'était demandé parfois comment l'aïeul du comte Malonesco avait pu vivre derrière le rideau de fer, aux heures où il lui fallait se cacher, il comprit qu'il y avait eu jadis communication entre le passage secret et ce qui était actuellement la cabine téléphonique. Communication trop étroite qu'on y put passer, mais qui devait servir comme conduit d'aération. Par précaution, au cas où le passage secret aurait été découvert, une pierre masquait l'entrée supérieure de ce conduit. Le baron Malonesco avait dû boucher l'extrémité inférieure en réinstallant les boiseries du cabinet de travail. Donc il était emprisonné là, dans l'épaisseur des murs, sans autre décision bien nette que celle d'échapper à l'étreinte de la police. Des heures passèrent encore. Peu à peu, torturé par la faim et par la soif, il tomba dans un sommeil lourd, traversé de cauchemars, si angoissant qu'il voulut en sortir à tout prix, mais si profond qu'il ne put reprendre conscience avant 8 heures du soir. À son réveil, il se sentit très las, et il eut subitement une perception affreuse, et à la fois si juste de la situation, que, par un revirement subit où il y avait de la peur, il résolut de quitter sa cachette et de se livrer. Tout valait mieux que le supplice qu'il endurait, et que les dangers auxquels l'exposait une plus longue attente. Mais, s'étant retourné sur lui-même pour atteindre l'entrée de sa tanière, il s'aperçut d'abord que la pierre ne basculait pas sur une simple poussée, et ensuite, après plusieurs tentatives, qu'il n'arrivait pas à trouver le mécanisme qui sans doute la faisait basculer. Il s'acharna. Tous ses efforts furent vains, la pierre ne bougeait pas. Seulement, à chacun de ses efforts, quelques moellons se détachaient de la paroi supérieure et diminuaient encore l'espace où ils pouvaient évoluer. Il lui fallut un sursaut d'énergie pour dominer son émotion et pour dire en plaisantant « Parfait, je vais en être réduit à appeler au secours, moi, Arsène Lupin. Oui, appeler au secours ces messieurs de la police. Sans quoi, mes chances d'ensevelissement augmentent minute par minute. » Il serra les poings. « Crétonnerre, je m'en tirerai seul. Appeler au secours? Non, mille fois non. » De toute sa volonté, il s'efforça de réfléchir. Mais son cerveau exténué ne lui permettait plus que des idées confuses et sans lien les unes avec les autres. L'image de Florence le hantait, et celle de Marianne également. « C'est cette nuit que je dois les sauver, se disait-il, et certainement je les sauverai, puisqu'elles ne sont pas criminelles et que je connais le coupable. Mais par quel moyen réussirai-je » Il songeait au préfet de police, à la réunion qui devait avoir lieu boulevard Suchet dans l'hôtel de l'ingénieur Fauville. Cette réunion était commencée. La police gardait l'hôtel, et cette idée lui rappela la feuille de papier trouvée par Weber dans le tome 8 de Shakespeare, et la phrase inscrite que le préfet avait lue. Ne pas oublier que l'explosion est indépendante des lettres, et qu'elle aura lieu à 3 heures du matin. « Oui, » pensa Don Luis, qui s'en tenait au raisonnement de M. Desmalions. « Oui, dans 10 jours, puisqu'il n'y a eu que 3 lettres. La 4e lettre doit surgir cette nuit, et l'explosion ne doit avoir lieu qu'avec la 5e lettre, donc dans 10 jours. » Il répéta, « Dans 10 jours, avec la 5e lettre, oui, dans 10 jours. » Et soudain, il tressaillit d'effroi. Une vision atroce venait de lui traverser l'esprit. Une vision qui avait toutes les apparences de la réalité. C'était cette nuit même que l'explosion allait se produire. Et tout de suite, sachant ce qu'il savait de la vérité, tout de suite, dans un retour de cette clairvoyance habituelle, il admit cette hypothèse comme certaine. Évidemment, 3 lettres seulement avaient surgi de l'ombre mystérieuse. Mais 4 lettres auraient dû surgir, puisque l'une d'elles n'avait pas surgi à la date fixée, mais 10 jours plus tard. Et cela précisément pour une raison que Don Luis connaissait. Et puis, il ne s'agissait pas de tout cela. Il ne s'agissait pas de chercher la vérité dans cette confusion de dates et de lettres, dans cet imbroglio inextricable où l'une ne pouvait prétendre à la certitude. Non, une seule chose dominait la situation, cette phrase. Ne pas oublier que l'explosion est indépendante des lettres. Or, comme l'explosion était marquée pour la nuit du 25 au 26 mai, l'explosion se produirait cette nuit même, à 3 heures du matin. « Au secours! Au secours !» cria-t-il. Cette fois, il n'hésitait plus. S'il avait eu le courage, jusqu'ici, de rester au fond de sa prison et d'y attendre l'événement miraculeux qui lui viendrait en aide, il aimait mieux affronter tous les périls et subir tous les châtiments que d'abandonner au sort qui les menaçait le préfet de police, Weber, Masrou et leurs compagnons. « Au secours! Au secours !» Dans 3 ou 4 heures, l'hôtel de l'ingénieur Fauville allait sauter. Cela, il le savait de la façon la plus sûre. avec autant d'exactitude que les lettres mystérieuses étaient arrivées à leur destination, malgré tous les obstacles qui s'y opposaient. L'explosion se produirait à l'heure indiquée. L'artisan infernal de l'œuvre maudite l'avait voulu ainsi. À 3 heures du matin, il ne resterait rien de l'hôtel. Au secours, au secours! Il retrouvait des forces pour crier désespérément, et pour que sa voix retentît au-delà des pierres et au-delà des boiseries. Puis, comme il ne semblait pas que l'on répondût à son appel, il s'interrompit, et longtemps écouta. Aucun bruit alentour, le silence absolu. Alors, une angoisse terrible couvrit de sueur. Si les agents, renonçant à la garde des étages supérieurs, s'étaient confinés pour passer la nuit dans les pièces du rez-de-chaussée. Comme un fou, il saisit une brique et frappa, à diverses reprises, sur la pierre d'entrée, espérant que le bruit se propagerait à travers l'hôtel. Mais aussitôt, une avalanche de moellons, détachée par le choc, s'abattit sur lui, le renversa de nouveau et l'immobilisa. « Au secours, au secours, au secours !» Le silence énorme, implacable. « Au secours, au secours !» Il avait l'impression que ses cris ne dépassaient pas les parois qui l'étouffaient. D'ailleurs, sa voix devenait de plus en plus faible. Gémissement rauque, haletant, qui expirait en son gosier meurtri. Il se tut, écoutant encore, de toute son attention anxieuse, le grand silence qui enveloppait, comme avec des couches de plomb, le cercueil de pierre où il gisait. Toujours rien, aucun bruit. Personne ne viendrait et personne ne pouvait venir à son secours. L'image et le nom de Florence continuaient à l'obséder. Et il pensait aussi à Marianne, qu'il avait promis de sauver. Mais Marianne mourait de faim. Et comme elle, et comme Gaston Sauvrant, et comme tant d'autres, il était à son tour victime de cette monstrueuse affaire. Un incident accrut son désarroi. Tout à coup, sa lampe électrique, qu'il avait laissée allumée pour dissiper l'horreur des ténèbres, s'éteignit. Il était 11 heures du soir. Des vertiges l'étourdissaient. Il respirait à peine, et un air insuffisant, déjà vicié. Son cerveau subissait, ainsi qu'un mal physique et très douloureux, le retour d'image qui lui semblait s'y incruster. Et c'était toujours la belle figure de Florence, ou le visage livide de Marianne. Et dans son hallucination, tandis que Marianne agonisait, il entendait l'explosion de l'hôtel Fauville. Et il voyait le préfet de police et Mazeroux, affreusement mutilés, morts. Une torpeur l'engourdit. Il tomba dans une sorte d'évanouissement, où il continua à balbutier des syllabes confuses. « Florence ! Marianne ! Marianne !» Fin du chapitre 11.